s'effondrer ensemble vers l'éco-liberté. Par Jem Bendel. Chapitre 1. L'effondrement économique, une période de limites et de contradictions. Au moment où vous lisez ces lignes, vous vivez probablement un mode de vie de consommateur, consommatrice urbaine. Vous prenez peut-être du plaisir à découvrir de nouvelles technologies, un nouveau passe-temps ou un animal de compagnie adopté à l'issue du dernier confinement. Mais ceci mis à part, il est probable que vous ne nourrissiez plus les mêmes attentes qu'il y a quelques années en ce qui concerne votre mode de vie et votre sécurité économique. Vous ne pensez probablement plus que votre vie s'améliore, pas plus que la vie de votre quartier, sans parler de votre pays tout entier. D'un point de vue philosophique, il vous semble peut-être que l'humanité a cessé de progresser vers un avenir meilleur. Peut-être, comme moi, avez-vous remarqué ces changements dans votre perception, ainsi que dans celle de vos amis et de votre famille. Ou peut-être qu'elle s'est insinuée en vous et qu'elle conditionne maintenant votre existence tout entière. Pourquoi est-ce que j'émets ces hypothèses? Pour deux raisons. Tout d'abord, de récents sondages d'opinion nous indiquent que cela correspond à l'expérience et au point de vue d'un plus grand nombre de personnes sur la planète. Deuxièmement, selon les indicateurs officiels, nous sommes de moins en moins satisfaits et satisfaites de nos conditions de vie ces dernières années. Ce déclin important a été constaté dans une grande partie du monde. Il a commencé bien avant le début de la pandémie du Covid. On pourrait pointer du doigt des événements identifiables, politiques publiques ineptes, guerre à l'étranger, catastrophes environnementales. Mais les données scientifiques nous racontent une toute autre histoire. Quelles que soient les erreurs ou les échecs sociétaux qu'on puisse connaître dans tel ou tel pays, il semblerait qu'une tendance de fond généralisée, voire mondiale, soit à l'œuvre, au moins depuis le milieu de la dernière décennie. Dans ce chapitre, je vais m'intéresser aux principaux enseignements, plutôt accablants, que révèlent certaines de ces données. Cela pourrait vous éviter de douter de votre propre expérience et de votre sentiment à propos de ce qui se passe dans le monde comme dans votre vie. Ce serait un bon début, car cela vous permettrait de résister au bombardement médiatique qui vous incite à respecter l'ordre établi et à croire que les choses vont s'améliorer. J'expliquerai également les raisons socio-économiques pour lesquelles la plupart d'entre nous avons l'impression que nos vies deviennent de plus en plus médiocres. Ce faisant, je soutiendrai qu'il n'y a pas de retour en arrière possible au sein du système économique actuel. Au lieu de cela, nos vies vont devenir de pire en pire, de toutes sortes de façons et de plus en plus vite. Cela s'explique par un ordre économique impérial et destructeur à bout de souffle. En tentant de se maintenir en vie, il écrase de plus en plus d'entre nous, tout en détruisant l'environnement. Bien entendu, ce « il » singulier est en fait constitué de plusieurs milliers de propriétaires de capitaux et leurs valets. Ces derniers prennent des décisions conformes à leurs intérêts à court terme et à ceux de leurs employeurs-employeuses, ce qui fausse nos chances d'apporter des réponses plus intelligentes et plus compatissantes à ce chaos. Une fin mesurée sous toutes les coutures. La vie peut être considérée sous tant d'aspects, et il y a tant de façons de les mesurer, qu'il est très difficile d'établir un terrain d'entente sur ce qui peut se passer à l'échelle d'une société dans son ensemble. C'est pourquoi, pour entamer notre discussion sur l'état du monde, nous allons nous tourner vers la crème des statistiques sur l'humanité, l'indice de développement humain, IDH. Il est employé par les Nations Unies depuis 1990 pour évaluer, en termes simples, le niveau de bien-être humain dans chaque pays. Il a été utilisé principalement pour évaluer les tendances de fond dans les pays les plus pauvres du monde qui ont besoin d'une aide internationale. Par conséquent, l'IDH, tel qu'introduit en 1990, s'appuie sur des données relatives aux besoins fondamentaux, tels que la santé, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance, l'éducation, c'est-à-dire le nombre d'années de scolarité pour les adultes âgés de 25 ans ou plus, et le niveau de vie, mesuré par le revenu national brut par habitant-habitante. L'IDH est calculé selon une nouvelle méthode depuis 2010. Dans les pays avancés tels que ceux de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, l'IDH a augmenté chaque année depuis 1990 jusqu'en 2019. Il n'a cessé de baisser depuis. D'ailleurs, l'indice est en déclin sur toutes les régions du monde depuis 2019. J'ai demandé aux matheux de notre équipe de compiler les chiffres pour vous afin de créer les deux graphiques présentés sur la version papier de ce livre. Globalement, 80% des 191 pays couverts par l'indice ont enregistré une baisse en 2021 par rapport à 2019. On pourrait, à tort, attribuer une grande partie du déclin récent à la pandémie de Covid et aux réponses politiques qui ont été apportées. Cela ne veut pas dire que les impacts de la pandémie et des politiques associées ont été négligeables, c'est loin d'être le cas. Mais ces impacts n'ont été perçus qu'en 2020, et la plupart des données de l'IDH pour 2020 ont été collectées avant que la pandémie ne soit déclarée. Cela apparaît clairement lorsque nous examinons les notes techniques publiées par l'équipe de l'ONU ayant rédigé le rapport. Elles attestent du temps nécessaire pour compiler tous les indicateurs qui entrent dans la composition de l'IDH, étant donné qu'ils sont fournis par de nombreuses organisations différentes. Certaines données sont collectées 6 mois seulement avant la publication du rapport, d'autres quelques années plus tôt. Ce décalage partiel signifie que certains changements peuvent prendre des années avant d'affecter l'IDH. La crème des statistiques de l'humanité montrerait donc la fin du progrès à l'échelle mondiale? Cela m'a incité à rechercher d'autres ensembles de données qui nous permettraient de comprendre ce qui se passe. Si l'on s'éloigne des données de base, telles que la mortalité infantile et l'éducation élémentaire, on découvre un vaste éventail de statistiques collectées pour informer les entreprises du monde entier lorsqu'elles décident quoi nous vendre et où elles vont le produire. Dans les pays riches, on parle de qualité de vie plutôt que de moyens de subsistance et de besoins fondamentaux ou de développement humain pour décrire notre bien-être. Passons donc à l'indice de qualité de vie Numbeo. Il combine des données sur le pouvoir d'achat, la pollution, les prix relatifs des logements, le coût de la vie, la criminalité et la sécurité, la santé, ainsi que des données sur la durée moyenne des trajets domicile-travail et sur les changements climatiques. Cet indice est basé sur les principales villes du monde. Le nombre de lieux dans la base de données est passé de 61 villes dans 51 pays en 2012 à 248 villes dans 87 pays en 2022. Toute donnée sur le pouvoir d'achat et le coût de la vie doit être rattachée à quelque chose, et Numbeo la rattache au salaire et au prix dans la ville de New York. Vous avez probablement déjà lu des articles qui s'appuient sur ces données relatives à la qualité de vie. Elles sous-tendent des rubriques de type « Que choisir ?», par exemple, le top 10 des pays et villes d'Europe où la bière est la moins chère. Mais parfois, ces articles reflètent des changements légèrement plus importants que celui du prix de la bière, même s'ils concernent nos habitudes de consommation et les budgets des ménages. Par exemple, en 2022, le journal britannique The Independent a utilisé ces données pour répondre à la question suivante. Est-il moins coûteux de partir à l'étranger cet hiver que de rester au Royaume-Uni et d'y payer ses factures d'énergie? La réponse était oui, à condition de faire quelque chose pour réduire le coût de son loyer ou de son prêt immobilier au Royaume-Uni. En revanche, vous n'avez probablement jamais lu le moindre article s'appuyant sur l'indice Numbeo pour décrire le déclin des sociétés de consommation industrielle qui dure depuis plusieurs années. Du moins, je n'ai trouvé aucune trace de telles analyses. Tâchons d'y remédier. Si l'on part du principe que la situation des villes est représentative de la situation du pays dans lequel elles se trouvent, les données Numbeo nous donnent une idée de l'évolution et de la qualité de vie au fil du temps dans le pays en question. En additionnant les données de différents pays, on peut observer les tendances d'une région du monde ou d'une catégorie géopolitique, comme les pays à haut revenu. L'un de mes collègues a analysé ces chiffres. Le résultat est assez frappant. La qualité de vie dans la plupart des pays et régions du monde était en augmentation depuis 2012, a atteint un pic vers 2016 et a ensuite commencé à décliner lentement. Au cours de 4 des 5 dernières années, il y a eu plus de pays en déclin que de pays dont la situation s'améliorait. Et au cours des 2 dernières années, environ 90% des pays sont en déclin. Dans le cas de l'Amérique du Nord, on observe une baisse constante depuis 2013. En Asie, cette baisse dure depuis 2018. Pour les 51 pays pour lesquels nous disposons de 10 ans de données, la baisse moyenne mondiale suivant le pic est de 11,3%, avec une fourchette de 0 à moins 33%. Si l'on place toutes ces données dans un graphique présentant chaque sous-région définie par les Nations Unies, il apparaît que la qualité de vie stagne à l'échelle mondiale depuis 2016. Le déclin économique dans de nombreuses régions du monde n'est pas un phénomène inédit. En effet, de multiples analyses montrent que depuis l'époque coloniale, les pays riches n'ont cessé de déstabiliser et d'exploiter les pays pauvres, les appauvrissant toujours davantage. Il n'est donc pas surprenant que la qualité de vie dans les pays qui ne sont pas assez riches pour faire partie du club de l'OCDE ait baissé au cours de la période 2018-2022 à un rythme de 3 points par an. Néanmoins, au cours des 6 années précédant 2018, ces mêmes pays avaient constaté une augmentation de leur qualité de vie de 14 points par an. Certaines lecteurs, lectrices seront peut-être encore plus surprises d'apprendre que pour les pays riches de l'OCDE, la qualité de vie a baissé au cours de la période 2016-2022 à un rythme de 2 points par an. Au cours des 4 années précédant 2016, l'indice s'était pourtant amélioré à un rythme de 12 points par an. Un examen plus approfondi du système de calcul générant ces données révèle que celles déclarées pour une année peuvent dater de 2 ans. La stagnation mondiale pourrait donc avoir commencé dès la fin de l'année 2014. Cela aide à comprendre l'attrait des messages politiques dans les pays occidentaux qui appelaient à revenir à une époque où tout allait mieux. On saisit aussi pourquoi les articles du style « Que choisir ?» se concentraient sur le désir de fuir des hivers trop coûteux ou de trouver de la bière bon marché. Comme par hasard, la moins chère se trouvait du côté du Bélarus et de l'Ukraine. Dans les chapitres suivants, consacrés à l'énergie, à l'alimentation, à la biosphère et au climat, j'expliquerai pourquoi ces déclins constituent des fissures superficielles dues à l'effritement des fondations des sociétés modernes. Mais avant cela, il importe de constater à quel point ces déclins sont confirmés, globaux et prolongés, et ce, depuis la période précédant la pandémie. Ces statistiques montrant un déclin général se répercutent dans la vie des gens de manière bouleversante. Derrière les statistiques se cachent des millions d'histoires de personnes qui s'inquiètent de plus en plus pour leurs finances et leur avenir, et qui ont moins de temps à consacrer à leurs amis et à leur famille. Dans les pays de l'OCDE, les gens déclarent avoir, par semaine, une demi-heure de moins avec leur famille et leurs amis qu'il y a environ 10 ans. Ces données concernent les comportements antérieurs à la pandémie. En outre, avant les confinements, les morts de désespoir dues au suicide, à l'abus d'alcool et aux overdoses étaient en augmentation dans les pays à revenus élevés. Le nombre moyen de ces décès dans les pays de l'OCDE est 3 fois plus élevé que celui des décès sur la route et 6 fois plus élevé que celui des décès par homicide. L'analyse de la situation dans les pays de l'OCDE révèle également à quel point de nombreuses sociétés sont déjà proches de la fracture complète. En effet, 40% des ménages de l'OCDE sont en situation d'insécurité financière, ce qui signifie qu'ils risqueraient de tomber dans la pauvreté s'ils devaient renoncer à 3 mois de leurs revenus. Quel degré de confiance pouvons-nous accorder à ces indicateurs ? Bien que d'autres puissent sembler plus évolués que l'IDH, ce n'est pas toujours le cas, Prenons l'exemple de l'indice de bien-être Earth for All, dont le Club de Rome a fait la promotion. Il quantifie le bien-être en incluant dans l'équation le revenu net disponible des travailleurs-travailleuses et leur part du revenu d'une entreprise par rapport à ceux et celles qui la détiennent, les niveaux d'emploi, les dépenses sociales des États par personne ou encore la température moyenne à la surface du globe. Mais cet indice n'inclut pas les éléments fondamentaux du bien-être humain considérés par l'IDH, tels que la santé et l'éducation, et il est moins attentif aux questions de qualité de vie que les données Numbeo. Certaines organisations nous mettent en garde contre les risques d'un déclin futur si nous ne changeons pas de cap. Mais ce déclin est déjà amorcé, et ce, depuis quelques années déjà. Plus important encore, parce qu'il se produit déjà presque partout et qu'il a commencé avant la pandémie, on peut en déduire qu'il trouve son origine au niveau du socle même de nos sociétés, dans le monde entier. Je parle des systèmes qui nourrissent, approvisionnent et ordonnent notre mode de vie dans les sociétés de consommation industrielle moderne. Les systèmes qui nous fournissent en énergie et qui rendent nos vies possibles. Les chapitres suivants détailleront la rupture de ces systèmes, ce qui montre qu'il y a peu de raisons de croire que les tendances s'inverseront. Quiconque part du principe que le progrès est la condition naturelle de son pays ou de l'humanité en général vit encore dans le passé. On m'opposera sans doute que personne ne peut savoir, par avance, si les tendances à la baisse vont continuer à s'intensifier de manière irrémédiable. Cependant, la première moitié de ce livre apporte des preuves permettant de faire le constat suivant. Les données à notre disposition qu'on peut agréger pour constituer ce tableau de bord de l'état de la civilisation mondiale sont autant de voyants rouges signalant l'imminence d'un effondrement complet. C'est pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux, nombreuses, à envisager l'avenir différemment. Le Pew Research Center mène régulièrement des enquêtes sur les opinions des gens au plan mondial. À l'heure où j'écris ces lignes, leur enquête internationale la plus récente révèle que la confiance en l'avenir est faible, en particulier dans les sociétés plus riches. Parmi les 18 pays à revenus élevés étudiés, ce n'est qu'en Pologne et en Russie qu'une majorité de personnes interrogées estimaient que l'avenir serait meilleur que le présent. L'une des questions demandait si les enfants seraient mieux lotis financièrement que leurs parents, une fois devenus adultes. Seuls 15% ont répondu oui au Japon et en France, 19% en Italie et 33% aux États-Unis. Plus on est jeune, plus on est susceptible d'être conscient, consciente des difficultés qui affectent les sociétés de consommation industrielle. Par exemple, un sondage réalisé par l'Université de Harvard a révélé que 34% des jeunes s'estiment plus préoccupés par l'avenir que leurs parents. Une majorité d'entre elles et eux s'attendent à ce que le changement climatique ait un impact sur leurs décisions futures, et la situation est la même dans la plupart des pays, comme nous le verrons au chapitre 5. Qu'est-ce qui s'effondre ? Nous sommes nombreux, nombreuses dans le monde à vivre et à constater toutes sortes de difficultés, et nos mentalités sont en train d'évoluer en conséquence. De ce fait, la question de savoir si telle ou telle société est en crise ou même en train de s'effondrer se pose de plus en plus. Cela a conduit à un regain d'attention pour la recherche sur les effondrements sociétaux, mais aussi à des critiques concernant l'imprécision des termes « effondrement » et « sociétal ». Par exemple, le rapport « Les limites à la croissance » de 1972, qui a alerté le monde sur la possibilité d'un effondrement, n'a pas défini ce qu'il entendait par « société ». Le but de ce rapport était d'analyser la situation globale de l'humanité sur l'ensemble de la planète et de pointer du doigt les tendances à l'accroissement de la production industrielle et de la consommation. Dans l'étude la plus complète sur les risques d'effondrement des sociétés actuelles, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, 2015, n'ont pas donné de définition de ces sociétés susceptibles de s'effondrer. Je ne l'ai pas fait non plus dans mon article « Deep Adaptation » de 2018, qui se focalisait sur les données climatologiques. Depuis, je me suis rendu compte qu'il pouvait être utile d'essayer d'être plus précis sur ce qui est en train de s'effondrer et sur les raisons expliquant cela. Ce livre présente donc les résultats de cette réflexion. Je comprends le désintérêt exprimé par certaines personnes face à une étude méticuleuse sur cette situation déprimante. D'après ma propre expérience, il peut être épuisant et accablant de s'intéresser à la science et aux données relatives à l'effondrement sociétal. L'examen de ce sujet suscite des inquiétudes quant à notre propre sécurité et celle de nos proches, et quant au temps dont nous disposons avant que la société ne s'effondre. Il nous pousse à remettre en question tous les aspects de nos vies et ce à quoi nous les consacrons. Dans mon cas, par exemple, me faire le chroniqueur de cette fin pour les quelques personnes qui seront prêtes à m'écouter, plutôt que d'aller chanter et danser, peut ressembler à une addiction masochiste. Je préférerais délaisser mon ordinateur portable. C'est quelque chose que j'ai ressenti en 2018, lors de mes recherches sur le changement climatique, et que j'ai exprimé dans mon article sur l'adaptation radicale. Comme je le mentionnais, j'hésitais même à finir d'écrire cet article. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes passent de l'acceptation de l'effondrement sociétal à une perspective totalisante du type « tout est fichu ». Si l'on croit à l'effondrement de la société ou à l'extinction de l'humanité à court terme, on peut arriver à la conclusion qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se montrer plus aimable et chercher à vivre une vie plus heureuse. Dans ce cas, on n'aura que peu d'intérêt pour une analyse plus poussée de ce qui est en train de s'effondrer et des raisons de cet effondrement. Malheureusement, on perdra peut-être en discernement sur les choix qu'il convient de faire. Au contraire, nos choix peuvent se trouver éclairés par une meilleure compréhension des fissures qui sont en train de se propager, ainsi que du comment, du quand et du pourquoi de ce phénomène. Par exemple, cette analyse révélera notamment que nos modes de vie et nos façons de penser contribuent à aggraver des souffrances évitables pour nous-mêmes, pour d'autres personnes et pour l'ensemble de la vie sur Terre. Explorer cet abîme de manière prolongée afin de mieux comprendre les schémas destructeurs qui l'ont créé et chercher des façons plus sages et plus compatissantes d'y vivre exige d'être psychologiquement équipé pour cela et soutenu par autrui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai moi-même douté de ma capacité à le faire et j'ai abandonné à plusieurs reprises au cours des dernières années. Mais ce livre est devant vous. C'est parce que j'ai cru qu'il était bénéfique d'analyser les tenants et aboutissants de l'effondrement sociétal, même si c'est douloureux, que cela peut sembler futile et qu'on préférerait consacrer son temps à des activités plus plaisantes. Je demeure convaincue qu'il est utile de regarder dans l'abîme pour mieux comprendre ce qui a entraîné cet effondrement et ce qui peut encore être fait pour amortir le choc. Certes, l'obsession de vouloir tout mesurer peut être un mécanisme de distraction. Mais je suis aussi convaincue qu'un plus grand nombre d'entre nous bénéficierait, pour faire des choix judicieux, de plus de précision et de rigueur en ce qui concerne la question de l'effondrement sociétal. Avant d'aller plus loin, clarifions donc ce qui pourrait être en train de s'effondrer. Pour cela, je vais faire un petit détour par cette science sociale qu'on appelle la sociologie. Lorsqu'il s'agit d'un phénomène de grande ampleur, à l'échelle d'une nation entière ou de plusieurs nations, on entend par « société » une agrégation de personnes en relation permanente, liées à un territoire, qui reproduisent un ensemble d'idées et de comportements, ainsi que la fabrication d'objets physiques communs afin de générer un modèle d'habitation persistant. Ceci mis à part, toute déclaration sur ce qui constitue ou non une société implique des jugements de valeur. Pour certaines personnes, le plus important est l'espérance de vie. Pour d'autres, rien n'est plus crucial que les droits humains. Par conséquent, toute définition de la société est subjective et en partie arbitraire, incertaine. Est faillible. Et il existe de nombreuses définitions qui utilisent divers adjectifs pour décrire des aspects sociétaux spécifiques vers lesquels on attire notre attention. On parlera souvent, par exemple, de sociétés modernes, traditionnelles, industrielles, post-industrielles, de consommation, de l'information, ou encore de sociétés en réseau. Je voudrais m'attarder sur deux de ces adjectifs pour mieux désigner les sociétés contemporaines qui existent dans une grande partie du monde. Ce sont des sociétés de consommation et industrielles. Le terme « société industrielle » fait référence aux sociétés issues de la révolution industrielle. Ces dernières ont vu naître une nouvelle division du travail entre l'agriculture et l'industrie, ainsi qu'une classe ouvrière urbaine de personnes vendant leur travail aux propriétaires d'usines. Le terme « société de consommation » est couramment utilisé pour distinguer les sociétés contemporaines des sociétés industrielles d'antan, comme des sociétés agricoles traditionnelles. Il met l'accent sur le rôle de la consommation en tant que facteur de structure et d'identité sociale. Dans les sociétés de consommation, de manière générale, la division entre les propriétaires d'entreprises capitalistes et les travailleurs-travailleuses n'est pas aussi largement reconnue que dans les sociétés industrielles. Les gens se définissent autant, voire plus, par leur choix de consommation que par leur classe économique, qui se reflète, par exemple, dans la propriété de terres ou d'autres capitaux. En outre, dans ces sociétés, la production de masse de biens de consommation est destinée au grand public, et non à une élite bureaucratique ou militaire. Cela signifie qu'une majorité de personnes dans ces sociétés dépendent, pour la quasi-totalité de leur mode de vie, des biens et des services qu'elles acquièrent sur le marché. Ces personnes consomment davantage que ce dont elles ont besoin, car la consommation sert de moyen d'expression et de loisir. Ces dépenses discrétionnaires sont encouragées par le marketing, la publicité et la création de rituels de consommation, mais aussi par la disponibilité du crédit à la consommation et, plus récemment, les mesures de relance économique. Une autre bonne raison de parler de « société de consommation » pour désigner nos sociétés est que l'identité d'une personne en tant que consommateur-consommatrice façonne la manière dont elle interagit avec autrui, avec les groupes sociaux et les organisations qui l'entourent et avec la nature. Par rapport à d'autres identités possibles, par exemple celle de citoyen-citoyenne, participant-participante ou producteur-productrice, l'identité de consommateur-consommatrice met l'accent sur l'acquisition, la commodité, les droits et privilèges individuels, la passivité, la performance et l'attrait de la nouveauté. C'est cette valorisation de la nouveauté qui fait du caractère jetable des biens de consommation un phénomène normal. La société de consommation renforce également les valeurs qui ont émergé dans les sociétés industrielles, à savoir que ce qui compte le plus est ce qui est matériel, mesurable et commercialisable. Par ailleurs, au sein d'une telle société, nous oublions que notre sécurité matérielle dépend du monde naturel environnant. Nous avons plutôt tendance à l'associer à des systèmes abstraits, comme celui de l'argent, et artificiels, comme celui de la grande distribution. Pour qu'une société de consommation fonctionne, elle a toujours besoin d'un secteur industriel pour produire en masse des biens de consommation, que cette industrie se trouve à l'intérieur de ses frontières géographiques ou ailleurs dans le monde. Il est parfois pertinent d'utiliser des termes désignant les sociétés qui ont peu d'industrie locale et qui sont plus concentrées sur les services et l'information. Par exemple, société post-industrielle, société de l'information ou société en réseau. Mais ces expressions risquent de nous faire oublier la nécessité constante d'une base industrielle, même si celle-ci peut être relocalisée et éloignée. Pour remédier à cet oubli problématique de la base des sociétés de consommation, les termes « société industrielle de consommation » et « société de consommation industrielle » sont parfois utilisés pour décrire de nombreuses sociétés contemporaines à travers le monde. Ces expressions désignent également la création à grande échelle de la demande et de l'identité des consommateurs-consommatrices dans ces sociétés par le biais du marketing et de la publicité. Elles mettent également en évidence un certain degré d'interdépendance entre la grande industrie et la consommation de masse. Celle-ci découle de la façon dont les économies d'échelle dans les processus de production sont rendues possibles par une énergie bon marché, ainsi que des moyens financiers et de communication avancés, ce qui conduit à la spécialisation de la fabrication et d'autres fonctions commerciales au sein d'opérations de grande envergure. Cette interdépendance signifie que si la consommation de masse diminue dans une certaine mesure, l'industrie concernée ne peut pas continuer à produire de manière rentable. Et si cette situation perdure, cette industrie fait faillite et cesse soudainement de produire au lieu de simplement produire moins. La consommation qu'elle soutient s'effondre alors au lieu de simplement diminuer. Depuis 2007, la majorité de la population mondiale vit en milieu urbain, ce qui signifie qu'elle dépend de chaînes d'approvisionnement complexes, de biens et de services produits industriellement. Même dans les zones rurales, où des milliards de personnes pratiquent l'agriculture à petite échelle, la majorité d'entre elles utilisent des intrants et équipements issus de la civilisation industrielle, tels que des produits agrochimiques et des machines fonctionnant à l'énergie fossile. Cela signifie qu'une majorité de personnes dans le monde, qu'elles soient riches ou pauvres, urbaines ou rurales, dépendent en tant que consommateurs-consommatrices de la production industrielle, du transport de masse et du commerce de biens et de services. Certes, les niveaux de cette consommation, comme les niveaux de dépendance envers elle, diffèrent de par le monde. Cependant, les États-nations sont tous, à des degrés très divers, des formes de sociétés de consommation industrielle. Même s'il existe à l'intérieur de leurs frontières, des communautés qui ont peu d'interaction avec les produits et les services de la consommation industrielle. C'est pourquoi, depuis une vingtaine d'années, le terme « société de consommation industrielle » est utilisé par de nombreuses experts et expertes qui débattent de la validité actuelle des projections du rapport « Les limites de la croissance ». L'utilisation de cette définition permet d'être précis quant au fondement commun de ces sociétés, malgré leur importante diversité économique, politique et culturelle. Elle aide également à comprendre comment les changements décrits dans ce livre affectent à des degrés divers la plupart des personnes dans le monde aujourd'hui et finiront par nous affecter toutes et tous, tôt ou tard. La fin du développement. Ce n'est pas un hasard si les modes d'organisation de la société de consommation industrielle caractérisent désormais les sociétés du monde entier. La promotion active de ce mode de vie est au cœur du concept de développement qui a façonné les relations internationales et les politiques nationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nations émergeant des griffes de la domination coloniale étaient censées copier les formes de développement économique de leurs anciens maîtres. Il s'agit d'une vision moderniste de l'organisation sociale que certains pays ont mieux réussi que d'autres à mettre en œuvre. Par exemple, certains pays comme Singapour sont davantage tournés vers la haute technologie et la consommation que leurs anciens colonisateurs. Tandis que d'autres, comme le Congo, ont connu un développement économique limité au-delà des industries primaires telles que l'exploitation minière et l'agriculture. Malheureusement, le modèle de progrès qui a été promu et largement adopté a contribué au dépassement de la capacité de charge de la planète pour l'humanité, comme je l'expliquerai dans les chapitres 3 à 6. Cela signifie que ce modèle n'a pas seulement été néfaste pour les personnes et les environnements qui sont exploités pour répondre à la demande de ressources de ces sociétés urbaines, mais que la qualité de vie de milliards de personnes est déjà en déclin dans les sociétés nouvellement développées. La situation que je décris dans ce chapitre contraste avec les nombreuses déclarations grandiloquentes qu'on peut entendre venant des organisations internationales sur le progrès humain. La version la plus récente de cette histoire, qui constitue par ailleurs un magnifique exemple de greenwashing, a été présentée en grande pompe en 2015. C'est à cette date que les Nations Unies ont annoncé 17 objectifs de développement durable, ODD, en tant que plan d'action pour assurer un avenir meilleur et plus durable pour tous les peuples et le monde entier d'ici à 2030. 7 ans plus tard, à peu près à mi-parcours de la période allouée aux ODD, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a averti que l'humanité était en train de reculer sur la majorité de ses objectifs. Si certains revers peuvent être attribués à la pandémie et aux mesures prises pour y faire face, les ODD étaient déjà loin d'être sur la bonne voie avant l'apparition du Covid. D'après les rapports de l'ONU, avant la pandémie, des progrès inégaux ont été réalisés en matière de réduction de la pauvreté, de santé maternelle et infantile, d'accès à l'électricité et d'égalité des sexes, mais pas suffisamment pour atteindre les objectifs d'ici à 2030. Dans d'autres domaines essentiels, tels que la réduction des inégalités, la diminution des émissions de carbone et la lutte contre la faim, les progrès ont été stoppés ou inversés. En 2020, le secrétaire général indiquait qu'avant la pandémie, les progrès en matière d'ODD étaient loin d'atteindre la vitesse ou l'ampleur nécessaire, car le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire était en hausse, l'environnement naturel continuait de se détériorer à un rythme alarmant, et des niveaux d'inégalité dramatiques persistaient dans toutes les régions. L'examen de quelques objectifs individuels permet de mettre en évidence la régression globale. L'ODD 1 vise à éradiquer la pauvreté. Cependant, le taux d'extrême pauvreté a augmenté en 2020, le nombre de pauvres passant de 119 à 124 millions. L'ODD 2 vise à mettre fin à l'insécurité alimentaire. Or, la faim dans le monde augmente depuis 2014 et plus d'un quart de la population mondiale a été touchée par une insécurité alimentaire modérée ou grave en 2019. Les progrès réalisés en termes de santé publique, mesurés par l'ODD 3, ont subi d'énormes revers en raison de la pandémie et des politiques associées. En effet, les données montrent que les services de santé de base étaient toujours perturbés dans 90% des pays et territoires plus d'un an après le début de la pandémie. L'ODD 6 vise à fournir de l'eau et des installations sanitaires à toutes et tous. Mais l'utilisation de l'eau dans le monde augmente de manière non soutenable et le stress hydrique ne cesse de s'accroître. Des milliards de personnes vivent d'ores et déjà sans accès à l'eau potable ni à des installations sanitaires. L'ODD 7, qui vise à garantir l'accès de toutes et tous à une énergie propre, est également hors de portée. En effet, le nombre de personnes sans accès à l'électricité est en augmentation, du fait de raccordements de base au réseau devenu inabordable en 2020 pour plus de 25 millions de personnes qui y avaient accès auparavant. L'ODD 12 vise à promouvoir des modes de consommation et de production durables. Mais au lieu de diminuer, l'empreinte matérielle mondiale par habitant-habitante n'a cessé d'augmenter, passant de 8,8 tonnes métriques en 2000 à 12,2 tonnes métriques en 2017, soit une hausse de 40%. La source de ces données n'est autre que l'ONU elle-même. En 2021, cette dernière annonçait que seuls 5 pays étaient sur la bonne voie pour atteindre les objectifs mondiaux d'ici à 2030 et que 134 ne devraient même pas les atteindre d'ici la fin du siècle. Ce nombre incluait 69 pays développés à revenus élevés entre guillemets ou à revenus intermédiaires de la tranche supérieure entre guillemets. Ces données sur l'échec des ODD confirment les informations examinées précédemment concernant le développement humain et la qualité de vie. Considérées dans leur globalité, ces informations nous indiquent que le bien-être humain est en déclin dans la plupart des pays du monde, qu'ils soient riches ou pauvres. Ce déclin a commencé bien avant la pandémie ou la guerre en Ukraine. Il est en cours dans toutes les régions du monde, y compris dans les pays les plus riches, pour la première fois depuis que ces statistiques existent. De toute évidence, le mode d'organisation contemporain des sociétés complexes est, à tout le moins, en train de péricliter. Mais bien que le tableau de bord de l'humanité affiche un renversement global, les conducteurs-conductrices du véhicule n'y prêtent pas attention. Ils et elles sont bien trop occupés à nous raconter des histoires. Ainsi, lorsque les dirigeants-dirigeantes mondiaux-mondiales annonçaient aux Nations Unies à New York en septembre 2015 des objectifs globaux pour l'humanité, leur propre société avait déjà entamé leur déclin. Dans ce livre, je montre que ces sociétés ne se remettront pas de ce déclin. Par conséquent, ce à quoi nous assistons n'est pas seulement la fin du développement, mais un phénomène qu'on décrira plus justement par le terme quelque peu saisissant d'effondrement. En effet, quoi que l'avenir nous réserve, il ne s'agira pas d'une version remodelée de la façon dont nous avons vécu jusqu'ici. J'utilise le terme « effondrement sociétal » pour indiquer l'ampleur et la permanence du changement plutôt que sa rapidité. Dans mon premier article scientifique sur le sujet, publié dans une revue à comité de lecture, je l'ai défini comme « la disparition à un rythme inégal des moyens fournissant de quoi manger, s'abriter, être en sécurité, se divertir et construire son identité et sa raison d'être au sein des sociétés de consommation industrielle. » Avant que les gens ne s'inquiètent de l'état actuel des choses, le thème de l'effondrement sociétal était plutôt l'objet de discussions de la part des archéologues et des historiens, historiennes, étudiant les civilisations passées. Dans ces discussions, ce terme a été utilisé de façon interchangeable avec celui d'effondrement civilisationnel pour explorer divers échecs sociétaux, certains plus rapides, comme celui de la civilisation maya, et d'autres plus graduels, comme celui de l'Empire romain en Europe occidentale. Au sein de ces champs de recherche, il n'y a pas de consensus sur le degré de rapidité qui devrait caractériser la disparition d'une société ou le degré de totalité marquant cette disparition pour qu'on puisse utiliser le terme « effondrement ». Le fait que je parle d'un effondrement pour décrire des processus déjà en cours au moment où j'écris ces lignes ne signifie pas nécessairement qu'on doive s'attendre à un événement soudain. Cependant, les recherches effectuées pour ce livre m'amène à conclure que l'effondrement des modes de vie industriels de consommation aura probablement eu lieu pour la majorité des personnes vivant ces modes de vie dans la plupart des pays du monde d'ici la fin de cette décennie. Cela signifie que par rapport aux conditions actuelles, des centaines de millions d'entre nous feront les frais d'une vie plus courte et en moins bonne santé et d'un mode de vie moins confortable. Dans certaines régions se produiront des famines et des conflits, ce qui entraînera des souffrances bien plus intenses encore. Dans d'autres endroits, les réponses des autorités aux perturbations croissantes conduiront à des ruptures dans les processus normaux de gouvernance, et même à une perversion des valeurs sous-tendant cette gouvernance. Les systèmes humains sont trop complexes pour qu'on puisse calculer quand les différents aspects de l'effondrement pourraient se produire dans différents pays. Mais compte tenu de l'importance de cette situation pour nos vies à toutes et tous, ces écueils ne sont pas une excuse pour ne pas tenter d'effectuer de telles évaluations. Dans la suite de ce chapitre, j'expliquerai comment le déclin qui s'est amorcé avant 2016 est principalement le résultat des systèmes économiques qui commencent à s'effondrer. Puis dans les chapitres suivants, j'expliquerai les conditions biophysiques qui rendent impossible l'arrêt de cet effondrement, même si nous pouvions modifier les systèmes économiques de manière à en atténuer les impacts. Ces facteurs ont de graves implications pour chacun, chacune d'entre nous et notre action collective. Mais nous ne pourrons proposer des réponses positives aux effondrements sociétaux que si nous comprenons ce qui a déjà commencé. L'écroulement des bases économiques. Dans de nombreux pays, la situation économique est en train de devenir de plus en plus insoutenable. L'un des indicateurs de ce phénomène est la baisse des salaires en pourcentage du PIB, tant dans les pays riches que dans les pays pauvres, au cours des 40 dernières années. Cela signifie que la grande majorité de la population s'est relativement appauvrie par rapport au coût de la vie et au patrimoine des riches. Les institutions dominantes gardent notre attention rivée sur l'indicateur économique du PIB, qui est plus susceptible d'augmenter dans un système monétaire expansionniste, plutôt que sur les salaires, qui augmentent plus lentement. Cela leur permet de nous assurer que nous sommes en période de croissance et de progrès, même si ces salariés, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, n'en ressentent pas les effets. En proportion de l'ensemble des actifs et des flux de l'économie mondiale, le secteur financier a connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies. Enfant, j'avais l'habitude de dire que je ne ferais quelque chose pour rien au monde, même pas pour un quadrillion de dollars. Pour moi, c'était un chiffre amusant, inventé de toutes pièces. Mais aujourd'hui, ce chiffre décrit des simulacres bien plus graves. En effet, on estime aujourd'hui que le secteur mondial des produits financiers pèse un quadrillion de dollars, soit 10 fois plus que le PIB mondial annuel. Ayant creusé un peu la chose, je sais désormais qu'un quadrillion veut dire 1 million de milliards, soit 1 suivi de 18 zéros. Les graphiques peuvent nous aider à appréhender un tel montant. Les opérations de change quotidiennes mondiales ont été évaluées comme étant près de 3 fois supérieures au PIB quotidien mondial. Selon un rapport de la Banque des règlements internationaux, BRI, en 2022, 7,5 trillions, c'est-à-dire milliards de milliards de dollars, étaient échangés chaque jour en devises étrangères. La BRI a décrit cela comme une augmentation historiquement modeste de 14% par rapport aux 6,6 trillions de dollars enregistrés en 2019. Je vous présente ces statistiques pour que vous puissiez constater qu'il existe un vaste secteur de personnes et d'organisations qui vivent au crochet de l'économie réelle, constituée par les personnes fournissant des biens et des services non financiers. Il est tout aussi important de savoir qu'en raison de cette concentration de richesses et de pouvoir, les personnes et les institutions alliées au système financier actuel ont une influence disproportionnée sur le fonctionnement et la gouvernance du reste de l'économie. C'est désormais un fait établi qu'elles ont un effet parasitaire, puisqu'elles absorbent des ressources sans bénéficier à la société, par exemple du point de vue de la productivité. En économie, ce terme décrit les revenus tirés de l'activité économique moins le coût des facteurs de production tels que le personnel, l'équipement, les frais généraux et autres fournitures. Une étude portant sur 20 économies avancées entre 1980 et 2010 a révélé une corrélation négative robuste et économiquement significative entre la productivité et la croissance du secteur financier. Même le Fonds monétaire international, FMI, si conservateur sur le plan économique, a conclu que le secteur financier était devenu un tueur de croissance économique. Et au cas où il faudrait encore convaincre quelques sceptiques, ajoutons que la BRI, qui veille sur les intérêts des banques centrales du monde, a elle-même reconnu nonchalamment que la croissance du secteur financier étouffait la croissance du secteur réel. À l'échelle mondiale, les citoyens-citoyennes sont privés de 312 milliards de dollars de revenus par an en raison des abus fiscaux des multinationales, et de 171 milliards de dollars supplémentaires du fait de l'évasion fiscale des riches, principalement par l'utilisation des paradis fiscaux. Les entreprises états-uniennes du classement Fortune 500, c'est-à-dire les 500 premières entreprises classées selon leur chiffre d'affaires, détenaient déjà à elles seules environ 2,6 trillions de dollars dans des comptes offshore il y a plus de 5 ans. Selon des estimations effectuées à l'époque, le montant total des avoirs détenus par des entreprises et des particuliers dans des paradis fiscaux pouvait atteindre 36 trillions de dollars. Faute de mesures efficaces, la situation n'a fait qu'empirer depuis. Par exemple, pour les seules multinationales états-uniennes, on constate une recrudescence de l'usage du mensonge comptable, selon lequel elles réaliseraient leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, plutôt que là où elles exercent réellement leurs activités. L'emploi de cette technique a triplé depuis les années 1990. Le FMI, organisme conservateur, écrit qu'il s'agit d'un facteur clé dans la réduction de moitié des taux moyens d'imposition des entreprises dans le monde au cours des dernières décennies. L'effet combiné de cette situation fiscale est que les gouvernements sont trop influencés, mais pas assez financés, par des entreprises et des individus extrêmement puissants. L'enseignement à retirer de ce rapide tour d'horizon est le suivant. Le secteur financier est parasitaire, cupide et hypertrophié, et il sape le fonctionnement de l'économie réelle, celle des entreprises productives et de leurs salariés. Dans le chapitre suivant, je décrirai plus en détail l'ampleur de ce processus. J'arguerai aussi que les systèmes monétaires de certains pays sont aujourd'hui au bord de l'effondrement, du fait d'un accaparement d'actifs effectué sur un mode néocolonial. La base économique des sociétés modernes est devenue si chancelante que les contradictions internes du capitalisme sont en train de se manifester. D'inévitables contradictions. Une stratégie commode pour les politiciens-politiciennes est d'imputer le déclin constant du bien-être humain à certains problèmes, opposants ou erreurs bien spécifiques. Mais cela révèle leur ignorance, leurs illusions ou les mensonges qu'ils et elles sont prêts et prêtes à proférer, comme le montreront les données présentées dans ce livre. Dans les prochains chapitres, nous verrons que les changements intervenus au cours de la dernière décennie sur le plan mondial, tant au niveau de l'approvisionnement énergétique que de l'environnement, ont eu des conséquences délétères. Mais le déclin rapide qu'on observe depuis 2016 s'explique aussi par la nature des systèmes économiques qui dominent à la fois le commerce international et la plupart des États-nations. Pour comprendre les ressorts de cette situation, je vais m'appuyer sur les travaux d'un célèbre économiste politique. Avant de mentionner son nom, je tiens à souligner à quel point il peut braquer certaines personnes. J'ai assisté un jour à un séminaire à Kuala Lumpur, en Malaisie, où un universitaire employait une analyse marxiste pour discuter de la question de savoir si l'Internet pouvait changer la façon dont les humains se perçoivent et perçoivent la réalité. L'idée de Marx, structurant son argumentaire, était que la manière dont nous assurons notre subsistance façonne nos valeurs et nos croyances. Un étudiant visiblement furieux a déclaré qu'il trouvait choquant et inacceptable que les idées de Karl Marx soient discutées au sein de l'université. L'universitaire a répondu laconiquement que Marx est l'un des économistes politiques les plus influents de l'histoire et qu'il est donc difficile de parler d'économie politique sans l'évoquer de temps à autre. De même, je nourris pour Marx une appréciation purement intellectuelle, dépourvue d'attaches politiques. Je pense qu'il peut nous aider à comprendre pourquoi, depuis quelques années, nos vies ne cessent de devenir de plus en plus médiocres. Karl Marx ne pensait pas que la révolution communiste était la seule voie vers la justice économique. En effet, il anticipait l'effondrement du capitalisme en raison d'une contradiction interne, c'est-à-dire d'une faillite fondamentale au sein de ce système. Selon son estimation, le travail salarié ne fournirait pas aux gens un revenu suffisant, cumulativement parlant, pour leur permettre d'acheter les produits de leur travail. Il considérait que les employeurs-employeuses à la recherche de profit vendaient ces produits à des tarifs supérieurs aux salaires qu'ils et elles accordaient à leur personnel. Et, dans l'économie actuelle, reposant sur des travailleurs-travailleuses précarisés à leurs sous-traitants-sous-traitantes. Ainsi, les prix cumulés des produits resteraient supérieurs au pouvoir d'achat des salariés. Marx en vint donc à imaginer qu'un beau jour, le système tout entier viendrait à s'immobiliser, car les gens n'auraient plus les moyens d'acheter quoi que ce soit. Marx prédisait l'effondrement par le biais d'une simple déduction mathématique. Mais ce faisant, il ne percevait pas la présence d'un certain nombre de facteurs qui aideraient le capitalisme à échapper à sa contradiction interne. Premièrement, les citoyens-citoyennes peuvent obtenir d'autres sources de revenus que via leurs employeurs-employeuses. Par exemple, auprès de l'État, ou en vendant leurs actifs, y compris des actifs publics, à des capitalistes. En particulier, l'expansion considérable de l'armée dans de nombreux pays a fourni une forme d'emploi non capitaliste. Deuxièmement, l'expansion constante du capitalisme dans de nouvelles régions du monde a généré des produits abordables pour les travailleurs-travailleuses des régions capitalistes existantes, en partie grâce à la main-d'œuvre bon marché de ces pays étrangers. Cette expansion a également justifié l'octroi de prêts aux entreprises et aux particuliers, ce qui a permis d'injecter dans l'économie plus d'argent que les salaires versés pour la fourniture de produits et de services existants. Une troisième raison pour laquelle cette contradiction n'a pas fait s'effondrer le capitalisme au XXe siècle est que le profit, tant pour les capitalistes que pour les employés, peut provenir de l'augmentation de la valeur monétaire des actifs et de leur échange, plutôt que des seules ventes de produits. Je pense en particulier aux actifs fonciers, aux logements et aux actions des entreprises. Une quatrième raison est l'inefficacité entrepreneuriale du capitalisme. En effet, les capitalistes investissent de l'argent dans diverses idées commerciales, ce qui fournit des fonds aux employés et aux fournisseurs, mais ces entreprises ne réussissent pas toutes à vendre leurs produits, ou bien il y a trop peu de demandes pour ces produits qui sont donc vendus à perte. Cette inefficacité a pour effet de distribuer de l'argent, par le biais des salaires et des frais, en montant supérieur aux revenus issus des biens ou des services fournis. Une cinquième raison est l'effet des syndicats. Pendant des décennies, ces derniers ont réussi à négocier l'augmentation de leur part des bénéfices des entreprises, de sorte que le manque relatif de pouvoir d'achat n'a pas été aussi important qu'il aurait pu l'être. En somme, le système capitaliste est parvenu à échapper à la contradiction interne identifiée par Marx dans les années 1800. Du fait du colonialisme, qui s'est ensuite transformé en mondialisation économique, combiné à la financiarisation des économies et à l'expansion massive du crédit, ainsi qu'au pouvoir de négociation des travailleurs-travailleuses et à l'effet des États-providence dans les anciennes sociétés de consommation industrielle. Toutefois, ces échappatoires ne pouvaient pas durer éternellement. Mieux vaut les considérer comme des facteurs qui ont retardé les effets de la contradiction, comme nous allons le voir maintenant. La première échappatoire est la possibilité pour les citoyens-citoyennes de trouver des revenus auprès d'autres sources que leur employeur-employeuse. Cette possibilité se fait de plus en plus rare, car dans la plupart des économies avancées, le nombre d'emplois dans le secteur public s'est considérablement réduit au cours des dernières décennies. En outre, il est devenu bien plus difficile pour les gouvernements de lever des fonds publics par la privatisation, car il ne reste plus grand-chose à privatiser. Si l'on touchait aux secteurs encore disponibles, tels que les ministères, la police ou l'armée, cela soulèverait des questions si sérieuses sur la gouvernance des États que cela menacerait le capitalisme lui-même. Un autre aspect de cet échappatoire a été la création de monnaie par les gouvernements, sous la forme de billets et de pièces, qui peut ensuite être dépensée dans l'économie. Comme je l'expliquerai en détail, le pouvoir d'achat de l'argent liquide s'est réduit comme peau de chagrin à mesure que la monnaie électronique émise par les banques privées est devenue le principal moyen d'échange dans les économies du monde entier. La deuxième échappatoire, fondée sur l'expansion continue du commerce et donc de la masse monétaire, se heurte à toutes sortes de limites en termes de ressources. À mesure que l'épargne s'accumule et que les modes de vie évoluent dans les zones urbanisées du Sud, les salaires augmentent dans l'ensemble de ces régions par rapport à ceux des pays occidentaux, ce qui rend les produits relativement plus chers. Au cours des dernières décennies, les salaires en Chine ont augmenté de façon constante, représentant une grande partie de la croissance mondiale des salaires. C'est pourquoi le taux de pauvreté dans ce pays est passé de 88% en 1981 à 11% en 2010, d'où l'existence d'une classe moyenne regroupant environ 60% des travailleurs-travailleuses chinois-chinoises en 2015. En parallèle, on constate un épuisement des ressources non renouvelables, telles que les métaux, et une destruction des ressources renouvelables, telles que les forêts, à tel point que cela réduit la rentabilité de nouvelles expansions de l'activité économique. Des dizaines de milliers de personnes travaillant dans le domaine de l'environnement refusent de regarder en face cette réalité des limites naturelles de la croissance économique. Je m'en suis rendu compte de nouveau à l'automne 2022 lorsque j'ai brièvement renoué avec le monde des conférences internationales. C'était autrefois l'arène de mes tentatives illusoires de changer le monde. Mais cette fois-ci, je voulais simplement attirer l'attention sur la crédibilité des prévisions d'effondrement. Je souhaitais aussi promouvoir les points de vue de personnes du Sud qui identifiaient l'impérialisme et le capitalisme comme étant à la fois les causes de la situation actuelle et une menace pesant sur des réponses plus humaines et plus sages à cette situation. Lors des conférences et des événements parallèles, j'ai rencontré certains de mes vieux amis et collègues travaillant dans les domaines de la responsabilité sociale des entreprises et les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise au sein du monde financier. Ils m'ont expliqué que pour sauver le monde, on ne pouvait faire mieux que de s'appuyer sur la technologie, l'esprit d'entreprise et le capital. Plus précisément, selon eux, le découplage entre l'activité des entreprises et l'utilisation des ressources naturelles était non seulement possible à l'échelle requise, mais il était même déjà en cours. Lorsque j'ai demandé à voir des preuves supplémentaires étayant ce raisonnement, ils n'ont su que fabriquer des règles générales, de manière illogique et idéologique, à partir d'exceptions. Malheureusement, la recherche sur le sujet ne valide pas leurs espoirs. Par exemple, en 2020, une étude de 835 articles universitaires sur le sujet a conclu que les taux de découplage observés ne permettent pas d'obtenir des réductions absolues importantes et rapides de l'utilisation des ressources et des émissions de gaz à effet de serre. Ce type d'analyse devrait mettre fin au doute. La croissance verte est bien une illusion. Bien que je n'aime pas considérer mes anciens amis comme des menteurs compulsifs, je ne peux que m'y résoudre. Malheureusement, ce mensonge-là n'est pas sans importance. Il a même des conséquences énormes, en particulier pour les personnes qui sont le plus à la merci des exigences permanentes de l'économie de consommation industrielle. Mes anciens collègues aiment aussi à raconter l'histoire selon laquelle les énergies renouvelables résoudront les multiples crises mondiales. Hélas, il y a une corrélation indiscutable entre la croissance économique et la croissance de la consommation de combustibles fossiles au cours des décennies passées. Dans le chapitre 3, nous examinerons de plus près pourquoi l'absence de découplage entre l'énergie et le PIB est particulièrement problématique. Les réserves de pétrole et de gaz les plus faciles à extraire étant déjà utilisées, le taux de retour énergétique, TRE, est en diminution et compromet la rentabilité d'une production croissante. Comme nous le verrons au chapitre 3, les sources d'énergie renouvelable sont tout à fait capables de fournir de l'énergie, mais pas avec le même TRE. La combinaison de ces processus entraîne une augmentation des prix des produits dans les sociétés de consommation industrielle avancées, car ils ont tous un coût énergétique intégré dans leur prix de vente au détail. Une autre conséquence de cet environnement économique plus difficile est que l'émission de prêts pour de nouvelles activités commerciales dans des domaines non liés à l'appréciation du capital devient moins attrayante. Tout cela conduit à une baisse de la confiance des créanciers et des débiteurs qui doutent de plus en plus que les dettes peuvent être remboursées. La troisième échappatoire qui consiste à faire bénéficier les salariés de l'augmentation des prix de revente des terrains, des logements et des actions d'entreprise, est également de moins en moins disponible en tant que caractéristique de l'ensemble de l'économie. Un pourcentage beaucoup plus faible de personnes en âge de travailler est aujourd'hui en mesure de bénéficier de plus-value sur ses actifs, comparativement à il y a seulement quelques décennies, et leurs gains, dans tous les pays, représentent une part beaucoup plus faible de l'économie. Le nombre de personnes de moins de 30 ans vivant avec leurs parents en est un indicateur. Dans les pays de l'OCDE, environ la moitié des jeunes se trouvent dans cette situation. La quatrième échappatoire est celle où les capitalistes prennent de mauvaises décisions, ou bien sont malchanceux, malchanceuses. Les salaires perçus par les travailleurs-travailleuses représentent donc des montants totaux supérieurs aux revenus provenant des biens et services fournis par ces entreprises. Le fait que cette situation soit de moins en moins courante grâce aux nouvelles technologies et à des gains d'efficacité en termes de bureaucratie peut sembler une bonne chose. Cependant, cela accentue la contradiction interne du capitalisme. L'Internet a permis des analyses beaucoup plus efficaces de la demande du marché, une bien meilleure coordination de la production et de la vente au détail, des investissements en main-d'œuvre beaucoup moins importants pour créer de nouvelles entreprises et des économies d'échelle massives. La cinquième échappatoire, celle des effets de l'organisation syndicale, est en déclin constant depuis les années 1980. La perte d'influence des syndicats se reflète dans les statistiques de toutes les sociétés de consommation avancées, qui montrent que les salaires représentent une part décroissante des bénéfices des entreprises, comme décrit ci-dessus. Cette tendance est constante dans presque tous les secteurs et pays. Cela montre qu'il s'agit d'une tendance structurelle, avec des implications tout aussi structurelles. Cette situation est facilitée par l'automatisation, qui réduit le besoin de créer des emplois et, souvent, celui de disposer de travailleurs-travailleuses qualifiés. Par ailleurs, les gouvernements ont permis aux acteurs de l'économie numérique d'accumuler les avantages imbattables de rassembler un grand nombre de personnes ou d'entreprises sur leur plateforme et de progresser ainsi vers des positions de monopole. Dans divers nouveaux secteurs, cela a créé une pression supplémentaire à la baisse sur les revenus des employés des entreprises touchées ou de leurs fournisseurs indépendants. Considérés dans leur ensemble, ces facteurs montrent que les contradictions du capitalisme se manifestent enfin. Cela signifie que, collectivement, nous sommes de moins en moins capables de nous payer les produits et les services issus de notre travail. L'un des moyens identifiés pour retarder l'effondrement du capitalisme, du fait de cette contradiction interne, a été de faciliter l'accès au crédit en phase avec l'augmentation continue des prix de l'immobilier des États-Unis à la Chine. La crise financière occidentale de 2008 et la crise financière chinoise de 2022 peuvent être considérées comme le résultat de mesures risquées visant à éviter la fin des échappatoires décrites ci-dessus. Il n'était pas inévitable que les sauvetages massifs des banques par les gouvernements en 2008 engendrent les politiques d'austérité qui ont frappé le monde entier à partir de 2010. Cependant, cette austérité s'est généralisée. Résultat, en l'espace de 5 ans, dans la plupart des sociétés de consommation industrielle avancées, divers indicateurs de niveau de vie et de qualité de vie ont commencé à décliner de manière constante. Voilà pourquoi votre situation économique et votre épargne ne se sont peut-être pas améliorées autant que prévu depuis la crise financière. Le début de nouvelles fins. L'effondrement d'une société est un processus et non un événement. Dans les chapitres suivants, je mettrai en contexte les données sur le déclin du bien-être humain présentées dans ce chapitre. Ma conclusion est que l'effondrement des bases de la quasi-totalité des sociétés de consommation industrielle a commencé peu avant 2016. Bien qu'il existe de terribles exemples d'effondrements sociétaux dans des régions où les conditions météorologiques ont déjà des effets véritablement dévastateurs, le début de cet effondrement plus large n'a jusqu'à présent pas été signalé. Pourtant, il a déjà commencé dans les sociétés où vit la majorité de l'humanité aujourd'hui. Les chapitres suivants décrivent comment les fondements biophysiques dont dépendent les sociétés modernes sont en cours de destruction, et dans certains cas à un rythme accéléré. Cela renforce encore davantage la conclusion selon laquelle ce déclin n'est pas réversible. Accepter cette terrible réalité est nécessaire si l'on veut tenter de mettre en œuvre des mesures d'adaptation sensées, du niveau local au niveau mondial. Mais la plupart des personnes qui travaillent sur certains de ces aspects ne veulent pas l'accepter. Les personnes qui, comme moi, œuvrent dans le domaine de la recherche sont très investies dans les systèmes existants. Il existe donc des obstacles qui nous empêchent d'accepter que la société que nous connaissons et apprécions, dans son ensemble, est non seulement en déclin, mais aussi responsable d'une destruction aussi horrible de la vie sur Terre. Nous ressentons une dissonance cognitive. Nous poursuivons nos travaux antérieurs liés au développement durable alors même que tout commence à s'effondrer autour de nous. Même les experts expertes qui reconnaissent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère veulent minimiser l'impact de cette situation. Ainsi, au lieu de parler d'un effondrement, qui devrait être source d'un sévère jugement sur les systèmes et les idéologies qui l'ont produit, on évoque simplement une crise systémique, due à des facteurs de stress qui s'additionnent et qui doivent être mieux gérés par une élite plus éduquée et plus éthique. Ou bien, notre époque est perçue comme une période de turbulence dont nous serons sauvés par les entrepreneurs-entrepreneuses de la Silicon Valley, avec leurs solutions miracles contre le réchauffement climatique, leur génie génétique et autres rêves. Ce type de réponse est un signe clair de défense d'une vision du monde. C'est pourquoi je ne m'étonne plus d'entendre, désormais, de plus en plus de personnes issues de groupes de réflexion, d'universités, de fondations et de sociétés de conseil en gestion émettre des variantes sur le thème de l'effondrement sociétal. Oui, nous avons un projet de 3 ans là-dessus également. Dans ce livre, j'adopte une approche différente. Les personnes qui savent que les sociétés sont en train de s'effondrer ne devraient pas être conduites à douter d'elles-mêmes par des experts expertes, pleins et pleines d'une assurance exagérée. Personne ne devrait nous encourager à reporter notre deuil et notre réévaluation de la façon dont nous voulons vivre dans une société qui s'effondre. Et personne ne devrait nous dire de prêter attention aux experts expertes qui, si on les autorise à le faire, passeront les prochaines années à cartographier la dynamique des systèmes en cours d'effondrement et à se disputer sur la meilleure façon d'en parler d'une manière visant à maintenir leurs privilèges. Ce livre nous fournit, à vous et à moi, les bases pour nous libérer des vieux compromis et explorer ce que nous pourrions faire du reste de notre vie. À tout le moins, il peut nous aider à imaginer de nouvelles fins.